بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Et donc on est arrivé au hadith numéro 7. Il dit donc: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. Et il m'a rapporté selon Malik, selon Yahya ibn Sa'id, qui dit: j'ai entendu Sa'id ibn Musayyab dire: puis-je vous informer de ce qui est meilleur que beaucoup de prières et d'aumônes? Ils dirent: bien sûr. Alors il dit: la réconciliation, c'est meilleur que beaucoup de prières et d'aumônes. Réconcilier les gens et les unir. Et méfiez-vous et prenez garde à la haine, car celle-ci est la al-haliqa, la dévastatrice. ذكر المؤلف هذا الحديث موقوفا على سعيد بن المسيب وجاء مرفوعا من حديث أبي الدرداء. Et donc l'auteur, l'imam Malik, il nous a cité ce hadith qui est mawkouf donc sur Sa'id ibn al-Musayyib, donc qui est un tabi'i, et donc cette parole s'arrête à Sa'id. Mais cette même parole a été rapportée, attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le hadith de Abi Darda, comme dans le Mousnad de l'imam Ahmed et dans le Jami' de Tirmidhi. Tirmidhi qui a cité ce hadith en attribuant la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui dit Hassanun Sahih. Donc le hadith qui est Hassan Sahih. Et aussi, on a Sheikh Al-Albani rahimahullah qui l'a authentifié, comme dans Sahih al-Adab al-Mufrad. Et les termes qu'il y a donc dans ce hadith affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ala ukhbirukum bi darajatin afdala min as-salati was-siyam was-sadaqa qalu bala ya rasul Allah qala islahu dhati al-bayn wa fasadu dhati al-bayn hiya al-haliqa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: puis-je vous informer d'un degré qui est meilleur que la prière, le jeûne et l'aumône? Ils dirent: bien sûr, ô messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit donc islah dhatil bayn, le fait de réconcilier et d'unir les gens. Et ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam: et en ce qui concerne le fait de corrompre les relations qu'il y a entre les gens, alors celle-ci est la dévastatrice. El halika. سبحان الله انظروا إلى جمال هذا الدين الذي يحث العباد على الألفة لا بد أن نفهم وأكرر لا يقتصر ديننا على العبادات من الصلاة والصيام بل هذا الدين شامل لحياتنا. Et donc il est important, les frères, regardez, méditez sur la beauté de cette religion. Cette religion qui nous pousse à l'harmonie et l'union. Il est important de comprendre, et je le répète, il est important de comprendre que cette religion ne se suffit pas, donc, des actes d'adoration tels que la prière, le jeûne et autres. Mais cette religion comprend toute notre religion. Et toute notre vie, excusez-moi. Wa fihi raddu ala man arada an yahsura ad-din fil masajid. Il y a en cela une réplique faites à ceux qui veulent limiter la religion aux mosquées. La religion, c'est dans les mosquées, etc., etc., la prière, etc. Non, la religion, c'est toute ta vie. Toute ta vie. وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْمُرَادِ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ الْمَذْكُورَ هِيَ النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِدِ. Certains savants on citait que ce qui est voulu par ces actes d'adoration, ce sont les actes d'adoration surérogatoires et pas les actes d'adoration obligatoires. C'est-à-dire donc que Le fait de réconcilier les gens est meilleur que la prière, le jeûne et l'aumône, surérogatoire, pas obligatoire. وقال آخرون إن الفرقة والفساد قد يؤدي إلى سفك الدماء وهدك الأعراض فهنا قد يقال إن إصلاح ذات البين أفضل من هذه العبادات المذكورة من الفرائض والنوافل. Et d'autres savants, ils ont dit que certes la division et la corruption peut entraîner au fait de faire couler le sang. La division peut entraîner au fait de faire couler le sang et au fait que l'honneur des gens soit violé. Et donc, à ce moment-là, la réconciliation est meilleure que ces actes d'adoration qui ont été cités, qu'ils soient obligatoires ou surérogatoires. Obligatoires ou surérogatoires. Et cela te montre l'importance de la réconciliation. L'importance de la réconciliation. Quand tu vois nos ulama qui font tout pour réconcilier les gens, asseyez-vous, efforcez-vous de vous réconcilier. Il faut qu'on médite sur ça, les frères. Il faut qu'on médite à chaque fois, les frères qui appellent conflit à droite, conflit à gauche, et lorsque tu vas écouter les deux parties, si t'as du vent à droite, t'as du vent à gauche. Rien du tout. Rien du tout. Que des petits trucs. Les frères, réconciliez-vous, réconciliez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur ce sujet. Il est important de tout faire pour réconcilier les musulmans. Même quand on médite sur les piliers de l'islam, on comprend l'importance de l'union. Ash-shahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Cette première attestation, la ilaha illallah. La base, c'était l'union. Les gens à la base, ils étaient unis lorsqu'ils disaient cette parole, la ilaha illallah. Kana an-nasu ummatan wahidatan. Allah, il nous dit dans le Coran, les gens, ils formaient une seule communauté. Une seule. Ils n'étaient pas divisés. Ils disaient tous la ilaha illallah. Puis, le polythéisme est arrivé. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ. Alors, à ce moment-là, Allah a envoyé les prophètes, annonciateurs d'une bonne nouvelle et mettant en garde contre un châtiment terrible. Mais la base, ils étaient tous sur le monothéisme pur. Et donc, l'union, es-salat, la prière, les musulmans qui se rencontrent 5 fois par jour dans la mosquée, 5 fois par jour, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَرْكَعُوا مَا الرَّاكِعِينَ. Et donc, warka'u al-rukur, donc l'inclinaison, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Il nous ordonne donc de prier en groupe. D'où le fait qu'il est obligatoire de prier en groupe, les frères, à la mosquée, pour ceux qui sont proches de la mosquée. Et donc, les musulmans vont se retrouver plusieurs fois dans la journée, se rencontrer, faire connaissance, etc. La zakat, le riche qui va aider le pauvre, ça va les unir. Le jeûne, les musulmans qui vont tous arrêter de manger au même moment, ils commencent le jeûne. Au même moment dans une région, ils commencent le jeûne en même temps. Et ils vont rompre le jeûne en même temps. Tous ensemble, et le soir, le tarawih, ils se retrouvent. Le hajj, Allahu Akbar. Tous ces musulmans qui se retrouvent tous ensemble, au même endroit, au même moment, avec des vêtements similaires, pour accomplir une seule et unique adoration. Celui qui médite sur tout ça comprend l'importance de l'union dans notre religion. Même dans les 5 piliers, les frères. L'importance de l'union dans cette religion. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء لو فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, vous n'entrerez au paradis tant que vous n'allez pas vous aimer mutuellement, tant que vous n'aurez pas la foi. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous n'allez pas vous aimer mutuellement. Puis-je vous indiquer, vous montrer quelque chose, que si vous le faites, vous allez vous aimer. Répandez le salam parmi vous. Répandez le salam parmi vous. Cette religion, elle nous pousse à nous aimer. Combien de fois j'ai dit au frère, ya ayyuh al-ikhwa, combien de fois ça arrive que tu vois ton frère et tu lui dis, uhibbuka fillah, je t'aime en Allah. Je t'aime en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, celui d'entre vous qui aime son frère alors qu'il lui dise, uhibbuka fillah. Nous aujourd'hui, quelqu'un nous dit, uhibbuka fillah, on entend, je t'aime. Il m'aime. Parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Il faut qu'on comprenne l'importance de l'amour dans notre religion. On est là pour s'unir, nous devons nous unir, travailler ensemble, nous entraider. Et cesser toute division. Ensuite, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Islahu dhatil bayn. Cela est conforme à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Et lorsque deux groupes des croyants se combattent, alors réconciliez-les. Faites tout pour qu'ils se réconcilient. Et c'est ça la base lorsque tu vois nos ulama. Ils font tout pour que les musulmans se réconcilient lors des conflits. Contrairement à ceux qui vont tout faire pour les séparer. Appelez à l'étranger, dans d'autres pays, ne vous asseyez pas avec eux, ou autre, tout pour les diviser. Cela est contraire au Coran, à la Sunna, à l'Ijma', les fondements de Ahl Sunna wal Jama'a. Hier, il l'a dit, Mahdi. Il a dit, parmi les fondements de Ahl Sunna wal Jama'a, l'union. L'union. C'est pour cela qu'ils ont été appelés Ahl Sunna wal Jama'a. El Jama'a, le groupe. Pourquoi ils ont été appelés comme ça? Et donc c'est important. Wa fil hadith al-hadar min fasadi dhatil bayn. Et donc il y a dans le hadith le fait de la mise en garde, la crainte quant au fait de corrompre les relations qu'il y a entre les gens. Le huitième hadith, wa haddathani an Malik أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم حسن الأخلاق. Et il m'a rapporté selon Malik qu'il lui fut rapporté que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, j'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement. J'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement. La chaîne de transmission, il y a un problème ou pas? Hein? Ça marche pas là. Et donc toujours là, selon Malik, qui lui fut rapporté que le prophète. Malik qui n'a pas rencontré, donc l'imam Malik qui n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas cité la source. لكن هذا الحديث جاء متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد. Cependant, ce hadith il a été cité avec une chaîne de transmission complète jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم comme dans le Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. Selon Abi Huraira رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صححه الألباني. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم qui dit, certes, j'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement, صالح الأخلاق, les comportements de piété. Authentifié par l'Albani, rahimahullah. Qal al-allama Zayd al-Madkhali, rahimahullah. Et donc, le très savant Zayd al-Madkhali, il dit dans son livre, Sharh al-Adab al-Mufrad, wa hadha al-hadith, ka mithli ma sabaka min ahadith al-bab, wa fihi bayanun li ahammiyati husn al-khuluq fi l'islam, wa annahu min al-usuli, allati ihtamma ببيانها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها الناس. Parole très importante. Il y a un mot, même pour moi, je vais le mettre, je vais le surligner encore, tellement c'est important. Le Cheikh Zayd qui dit, et ce hadith, comme tous les autres qui ont été cités dans le chapitre, il y a en ce hadith donc le fait que il y a donc l'éclaircissement de l'importance du bon comportement dans l'islam. Et qu'il fait partie des usul, et il fait partie des fondements dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé de l'importance à les expliquer et à appeler à ceci. Le bon comportement, il nous dit le cheikh, il fait partie des usul, des fondements. C'est-à-dire, c'est pas tu te dis, alhamdulillah, les usul, ahle sunnah wal jama'a, j'ai aussi, alhamdulillah, j'ai aussi la salade, alhamdulillah, etc., etc., et après t'as un mauvais comportement. Oh, ça fait pas partie des usul. Allez hop, ramène ça, ça fait partie des usul. On l'avait vu avec une risala de Cheikh Ubayd, de Cheikh Ibn Uthaymeen, qui avait cité, wa min usuli ahle sunnati wal jama'a husnul khuluq. Parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, le bon comportement. Le bon comportement. فَلَا يُمْكِنُ أَن تَطْوِيبُ الْحَيَاةِ إِلَّا لِمَنْ كَانَ خُلُقُهُ حَسَنًا. Et donc le Cheikh, il continue en disant, il n'est pas possible que la vie soit donc correcte, que la personne passe bien donc sa vie sans le bon comportement. فَهُوَ دَعْوَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ أَنْ يَتَخَلَّقُ بِالْخُلُقِ الْحَسَنِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةُ الْمُطَهَّرَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Donc le Cheikh nous dit, il y a donc dans son hadith un appel à tout musulman et toute musulmane à adopter un bon comportement, comme l'a montré le livre Al-Kitab al-Aziz, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahu a'lam. Fali husn al-khuluq manzilatun 'aliyah fi ad-din. Et donc le bon comportement a un haut rang dans la religion. Et donc je voudrais donc ici vous citer quelques hadiths que Al-Bukhari a cités dans son chapitre Bab husn al-khuluq, le chapitre du bon comportement, dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Juste quelques hadiths, pas beaucoup. An Abdullah ibn Amr, qala lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fahishan wa la mutafahishan wa kana yaqulu khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Selon Abdullah ibn Amr, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas grossier et il n'était pas non plus, donc, il n'était pas grossier ni vulgaire. Cependant, il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le bon comportement. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le bon comportement. Wa an Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi. Selon Amr ibn Shu'ayb, an abihi, selon son père, an jaddihi, selon son grand-père. Et donc ici, ce qui est voulu par son grand-père, c'est pas le grand-père de Amr ibn Shu'ayb. C'est pas le grand-père de Amr ibn Shu'ayb, mais c'est le grand-père de son père. Celui-ci, donc, qui est un compagnon, qui est Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, il dit, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, أخبركم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ne puis-je vous informer de celui d'entre vous que j'aime le plus et de celui d'entre vous qui sera le plus proche de moi au jour du jugement. فسكت القوم, ils se sont tus. Le prophète a répété trois fois. Il a répété deux fois, puis la troisième fois, Ils ont dit, Naam ya Rasulallah, oui, ô messager d'Allah. Qui est celui qui est le plus aimé et qui sera le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yawm al-qiyamah? Il a dit, Ahsanukum khuluqa. Celui d'entre vous qui a le meilleur comportement. Si après ça, on ose dire que le bon comportement, c'est pas bien, c'est pas, ce n'est pas important dans la religion, c'est qu'il y a un problème. Ouais, alhamdulillah, j'ai la sunna, alhamdulillah, j'ai compris, ça c'est la sunna, ça c'est l'innovation. Et derrière, tu vas adopter un mauvais comportement. Non, frère. Non, alors ça veut dire que tu n'as pas compris la sunna. Ça veut dire que tu n'as pas compris la sunna si tu dis ça. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.